Et je prends quoi comme document? Vous présentez la réponse comme quoi votre équivalence a été acceptée, vos diplômes traduits, votre pièce d'identité.